Chapitre 8e. Au moment où Magdalen et son père se rencontrèrent dans le bosquet, la physionomie de Mr. Vanstone attestait que, depuis sa sortie du matin, quelque incident agréable pour lui était survenu. À la question que lui adressa immédiatement la jeune curieuse, il répondit en l'informant qu'il sortait à l'instant même du cottage de Mr. Clare, et qu'en ce lieu stérile d'ordinaire en pareille bonne fortune, il avait recueilli une nouvelle de nature à surprendre la famille de Cambraven. En pénétrant le matin même dans le cabinet du philosophe, Mr. Vanstone l'avait trouvé occupé à ruminer encore son déjeuner, ayant à côté de lui, au lieu du livre qui d'ordinaire, pendant le repas, restait à portée de sa main, une lettre ouverte. Il saisit cette lettre dès l'entrée du visiteur et ouvrit brusquement la conversation en demandant à Mr. Vanstone si le bon état de ses nerfs le mettrait à même de supporter le choc d'une surprise capable d'ébranler les plus fermes. « Mes nerfs ?» répéta Mr. Vanstone. « Dieu merci, je n'ai rien à dire de mes nerfs. Si vous avez quelque chose à me communiquer, n'ayez pas peur. Expliquez-vous sans autre ménagement. » Mr. Clare envoya vers son interlocuteur un regard mécontent. « Que vous ai-je toujours dit ? » demanda-t-il, plus aigre et plus solennel que jamais. « Bien des choses dont je n'ai jamais voulu tenir note, » répondit Mr. Vanstone. « En votre absence, comme devant vous, j'ai constamment soutenu que le principal phénomène de la société moderne était la normale prospérité des sots. En regard de tout individu dépourvu de bon sens, je vous montrerai un agrégat social qui, sur 10 chances, en accorde 9 à ce personnage éminemment favorisé, puis marchand de la 10e et fort durement à l'homme le mieux avisé de ce bas monde. Regardez où vous voudrez. Vous verrez installé dans toute haute position un âne batté, que les plus grandes intelligences de l'univers ne sauraient atteindre pour l'en arracher. La sottise, qui s'admire et se complaît en elle-même, fait peser sur tout notre système social son autorité absolue, tient impunément sous le boisseau la lumière que l'intelligence voudrait porter de tous côtés, et, pour répondre à toute protestation, pousse la sinistre clameur de l'aveugle hibou, voyez comme les ténèbres nous conviennent. Quelques jours, cette audacieuse assertion sera contredite par les faits, et le système vermoulu de la société moderne s'écroulera tout entier avec un affreux craquement. À Dieu ne plaise ! S'écria Mr. Vanstone, regardant autour de lui comme si le craquement se faisait déjà entendre. Un affreux craquement, répéta Mr. Clare. Telle est en peu de mots ma théorie. Passons maintenant à l'application remarquable que je trouve d'Icelle dans la présente épître. Voici mon coquin de fils. Allez-vous me dire que Frank a trouvé d'autres chances d'avenir ? S'écria Mr. Vanstone. Voici ce Frank, cet incorrigible nigaud, poursuivit le philosophe. Il n'a jamais de sa vie tiré le moindre parti de lui-même. Aussi, par voie de conséquences rigoureuses, la société conspire-t-elle pour le mettre au pinacle. À peine a-t-il eu le temps de gaspiller la bonne occasion qu'il vous devait, et voici que pour la seconde fois, cette lettre ramène la balle de son côté. Un riche cousin, moi, désigné par son intelligence pour être la queue de la famille, et qui dès lors naturellement en occupe la tête, a eu la bonté de se rappeler que j'existais. Il met son influence au service de mon fils aîné. Lisez cette lettre, et observez ensuite l'enchaînement des choses. Ce riche cousin est un nigaud qui prospère au sein d'un vaste domaine. Il a rendu n'importe quel service à un autre nigaud qui prospère en politique. Celui-ci connaît un troisième nigaud qui prospère dans le commerce, lequel peut et va donner un bon coup d'épaule à un quatrième nigaud, ne prospérant pour le moment en aucune façon, et dont le nom est Francis Clare. Ainsi tourne la roue du moulin. Ainsi, par une interminable série de phénomènes analogues, la crème des récompenses terrestres est absorbée par les imbéciles. Dès demain, mon Franck est expédié. Dans un temps donné, nous le verrons revenir, refusé comme un faux shilling. Et alors, conséquence nécessaire de sa méritante sottise, d'autres chances d'avenir s'ouvriront pour lui. Le temps reprendra son cours. Peut-être ne verrai-je pas ceci, ni vous non plus, mais peu importe. L'avenir de Franck n'en est pas moins assuré. Qu'on le fourre dans l'armée, dans l'église, dans la politique, où vous voudrez, et qu'on l'abandonne au flot, il finira par être général, évêque ou ministre d'État, de par cette grande qualité moderne qui consiste à n'avoir rien fait pour mériter la place qu'on occupe. » Après avoir ainsi résumé les perspectives mondaines de son fils, Mr. Clare jeta la lettre sur la table par un geste méprisant et se versa tout aussitôt une nouvelle tasse de thé. Mr. Vanstone lut cette lettre avec un intérêt avide et un vrai plaisir. Peut-être y avait-il quelque effort dans le ton de cordialité sur lequel on l'avait écrite, mais les avantages pratiques qu'elle mettait à la disposition de Frank ne pouvaient être révoqués en doute. Le cousin en question avait tous les droits de l'amitié, d'une amitié tout à fait exceptionnelle, sur une des grandes maisons de commerce établies dans la cité. Cette influence, il venait de l'exercer spontanément au profit du fils aîné de Mr. Clare. Frank serait reçu dans les bureaux de cette maison sur un bien autre pied qu'un commis ordinaire. On le pousserait dans toute occasion favorable. Et la première bonne position que la maison pourrait offrir, soit en Angleterre, soit au dehors, lui serait acquise par avance. Doué des facultés nécessaires et pour peu qu'il mît à les faire valoir un zèle à peu près suffisant, sa position était faite. Et plus tôt on hâterait ses débuts à Londres, mieux ses intérêts s'en trouveraient. « C'est merveilleux !» s'écria Mr. Vanstone en rendant la lettre. « Cela me fait un plaisir. Je vais rentrer chez moi pour leur tout compter. Il y a là 50 fois plus de chances que je n'en eus jamais. Et pourquoi diable prenez-vous la société à partie? Mais avis que la société s'est admirablement bien conduite. Où donc est Frank ?»« Dans quelques trous, » répondit Mr. Clare. « Parmi les insupportables singularités des heureux mortels nés sous l'étoile de sottise, et cette manie de toujours se tapir en quelque coin. Je n'ai pas encore vu mon drôle ce matin, et si vous le rencontrez, envoyez-le-moi, je vous prie, d'un coup de pied. » L'opinion de Mr. Clare sur les us et coutumes de son fils aurait pu être, dans la forme, plus poliment exprimée, mais en substance, ce matin-là, elle se trouvait être d'une irréprochable correction. En quittant Magdalen, Frank avait attendu dans le bosquet, à distance rassurante, espérant qu'elle pourrait se débarrasser de sa sœur et venir le rejoindre. L'apparition de Mr. Vanstone, immédiatement après le départ de Nora, au lieu de l'encourager à se montrer, l'avait déterminé à regagner le cottage paternel. Il s'en revint, boudant, et tomba ainsi dans les griffes de son père, sans que rien l'eût préparé à la formidable nouvelle qui allait immédiatement l'appeler à Londres. Mr. Vanstone, cependant, avait communiqué ce qu'il venait d'apprendre, d'abord à Madeleine, et plus tard, revenu au logis, à sa femme et à Miss Garth. Il était observateur trop peu subtil pour remarquer le genre d'impression produit par cette nouvelle sur sa fille cadette, et le soulagement qu'exprima la physionomie de Miss Garth, tandis qu'il leur annonçait la bonne fortune de Frank. Il continua de causer ainsi, sans se douter de rien, jusqu'à ce qu'eût sonné l'heure du lunch, et alors, pour la première fois, il remarqua l'absence de Nora. Elle avait envoyé dire qu'une forte migraine la retenait dans sa chambre. Miss Garth étant montée peu après, pour lui donner connaissance de ce qui concernait Frank, Nora parut, phénomène étrange, médiocrement rassurée par ce qu'elle apprenait ainsi. « Déjà une fois, remarqua-t-elle, Mr. Francis Clare avait quitté le pays, et l'on y avait vu revenir. Il pouvait y revenir encore, et bien plus tôt que personne ne l'aurait prévu. » Ce fut tout ce qu'elle dit à ce sujet. Sur ce qui s'était passé dans le bosquet, elle garda un silence absolu. Son invincible réserve semblait l'avoir prise de plus belle, après le soudain mouvement d'expansion qui avait marqué cette matinée. Elle se retrouva dans l'après-midi avec Magdalene, comme si rien ne fût arrivé. Aucune réconciliation positive n'eut lieu entre elles. C'était une des particularités de Nora, que de se refuser ainsi à toute réconciliation explicite, et d'abriter sa timidité sous des retours silencieux. À l'attitude, aux façons de sa sœur, Madeleine put s'assurer qu'elle avait protesté pour la première et dernière fois. Quels que fussent ses motifs, orgueil, mauvaise humeur, méfiance d'elle-même, sentiment d'impuissance à faire le bien, il n'y avait pas à se tromper sur ce parti pris. Nora était bien décidée à rester, dans l'avenir, purement passive. Mr. Vanstone, dans la soirée, proposa une promenade en voiture à sa fille aînée, comme le meilleur remède pour sa migraine. Elle consentit aussitôt à sortir avec son père, qui là-dessus, comme toujours, voulut emmener Magdalene. On ne la trouva nulle part. Pour la seconde fois de la journée, elle s'était égarée seule dans les environs de l'habitation. Miss Garth, les opinions de Nora une fois adoptées, passant désormais d'une extrémité à l'autre, estimait Francis capable d'organiser en 5 minutes un enlèvement régulier. Elle fit immédiatement une battue spontanée afin de retrouver la jeune lady. Sa longue recherche fut sans résultat, et quand elle revint, elle était fortement persuadée que Magdalene et Frank avaient dû se rencontrer secrètement quelque part. Mais elle ne rapportait à l'appui de ses soupçons aucune espèce de preuve, si minime fut-elle. En attendant, la voiture était à la porte, et Mr. Vanstone n'entendait pas différer plus longtemps sa promenade. Nora et lui partirent ensemble, Mrs. Vanstone et Miss Garth demeurèrent occupés à leur travail. Une demi-heure écoulée, Magdalene entra dans le salon. Son attitude était calme, sa pâleur extrême, sa physionomie abattue. Elle reçut avec une distraction qui semblait l'effet d'une grande fatigue morale les remontrances de Miss Garth, s'excusa négligemment de s'être attardée à la promenade, prit et laissa successivement plusieurs volumes, et enfin, poussant un soupir d'impatience, remonta chez elle. J'imagine que la réaction des plaisirs d'hier se fait sentir chez Magdalene, dit tranquillement Mrs. Vanstone. Je m'y attendais. Maintenant que ce divertissement dramatique a eu son cours, la voilà soupirant après autre chose. L'occasion se présentait trop belle de faire pénétrer dans l'esprit de Mrs. Vanstone quelques rayons de lumière, pour ne pas la saisir aussitôt. Miss Garth interrogea sa conscience, vit qu'il n'y avait pas de temps à perdre, et sur le champ prit son parti. « Vous oubliez, répondit-elle, que certains voisins nous quittent le pays demain matin. Faut-il ne vous rien cacher ? Magdalene se chagrine du départ de Francis Clare. » Mrs. Vanstone, levant les yeux de dessus sa broderie, regarda Miss Garth avec un sourire de paisible étonnement. « Vous devez vous tromper, » dit-elle. « Il est assez naturel que Frank soit attiré vers Magdalene, mais je ne puis croire que ce sentiment soit réciproque. Frank ressemble si peu à ma fille, il est si calme, si peu démonstratif, si borné d'ailleurs, et si dépourvu d'énergie à certains égards. Je sais qu'il est bien de sa personne, mais il ressemble si peu à Magdalene. Oh non, non, vraiment, je vous assure que je ne puis me persuader ceci. » « Eh, chère bonne dame, » s'écria Miss Garth, fort étonnée, « pensez-vous donc réellement que les jeunes gens s'éprennent les uns des autres à raison des rapports de caractère qui existent entre eux ? Dans la très grande majorité des cas, c'est justement le contraire. Il ne se fait guère de mariage qui n'étonne au plus haut point les amis de la femme et les amis du mari. S'il est une question banale à coup sûr, c'est bien celle-ci. Comment monsieur un tel épouse-t-il cette jeune fille ? Ou à quoi pense madame une telle de confier sa destinée à ce monsieur ? Avez-vous si longtemps vécu dans le monde pour ignorer encore que les jeunes filles, surtout, par une perversité qui leur est propre, s'amouragent volontiers des êtres les moins dignes d'elles ? Au fait, vous avez raison, dit tranquillement Mrs. Vanstone. J'oubliais ceci, que du reste on ne saurait s'expliquer, n'est-il pas vrai ? Oui, c'est inexplicable. Sans doute parce que l'on voit chaque jour, répliqua Miss Garth d'un ton enjoué. Que de braves gens de ma connaissance raisonnent ainsi à l'encontre de toute expérience. Et par exemple, lisant chaque matin le journal, vous soutiennent tranquillement le soir que dans l'état des mœurs modernes, il n'y a plus de matériaux à exploiter pour les romanciers ou les peintres. Sérieusement parlant, Mrs. Vanstone, grâce à cette malheureuse comédie, Magdalene a pris avec Frank une voie où beaucoup d'autres petites filles sont entrées avant elle. Il est certes au-dessous d'elle. À presque tous égards, il diffère d'elle absolument. Et sans le savoir, c'est précisément à cause de cela qu'elle l'a pris en gré. Elle est résolue, impétueuse, intelligente, dominatrice. Elle n'a rien de ces femmes types qui, d'un mari, font un être supérieur, appelé à les protéger en toutes circonstances. Pour elle, au contraire, le beau idéal est, sans qu'elle s'en doute, un mari qu'elle mène par le bout du nez. Eh bien, on s'en consolerait encore en songeant que, même dans cette classe, elle peut trouver beaucoup mieux que Frank. C'est un grand bonheur qu'il s'en aille avant nous avoir donné plus de tracas, et avant qu'il n'y ait rien de grave à regretter. « Pauvre Frank, » dit Mrs. Vanstone avec un sourire de compassion. « Ses enfants se sont connus, lui portant encore la jaquette, elle encore en jupon court. Il ne faut pas si vite désespérer de ce jeune homme. » « Peut-être, cette fois, réussira-t-il mieux ?» Miss Garth la regarda étonnée. « Eh bien, après, » reprit-elle, « supposons qu'il réussisse. » Mrs. Vanstone coupa un fil qui pendait à sa broderie et se prit à rire de bon cœur. « Ma bonne amie, » dit-elle, « nos fermiers ont un vieux proverbe qui conseille de ne pas compter ses poulets avant qu'ils ne soient couvés. Attendons encore avant de compter les nôtres. » Il n'était point facile d'imposer silence à Miss Garth quand elle obéissait, en parlant, à une conviction bien arrêtée. Mais cette réponse imprévue lui ferma la bouche. Elle reprit son ouvrage, sa physionomie laissant voir qu'elle songeait à force chose dont elle ne pouvait plus parler. La conduite de Mrs. Vanstone était certainement, vu les circonstances, assez remarquable. Ainsi, d'un côté, une jeune fille, douée de grands attraits personnels, promise comme fortune à un brillant avenir, et dans une position sociale qui eût rendu toute naturelle les sollicitations matrimoniales des premiers gentlemen du comté, se jetant capricieusement à la tête d'un jeune oisif sans le sou, qui venait d'échouer à son premier début dans le monde, et qui vint-il même à réussir dans le second, ne serait pas, de bien des années encore, en état de contracter un mariage sortable avec une jeune fille riche. D'autre part, la mère de cette jeune fille, nullement effarouchée par la perspective d'un hymen si peu désirable, pour ne rien dire de pire, et à n'en juger que selon les apparences, cette mère ne semblait pas bien assurée que l'union de sa fille avec le fils de Mr. Clare, dérivant de l'intimité formée entre les deux jeunes gens, ne fut tout ce que les parents des deux parties pouvaient décider de mieux. Ceci était à peu près aussi incompréhensible que l'autre mystère, mystère maintenant oublié, du voyage fait à Londres. Frank se montra le soir, annonçant qu'un père inexorable le condamnait à quitter Cambraven dès le lendemain par le train parlementaire. Il parla de ce départ avec un air de résignation sentimentale et accueillit en silence, avec une surprise tempérée par la politesse, les bruyantes félicitations que Mr. Vanstone lui adressait au sujet de ses nouvelles espérances d'avenir. Cette douce mélancolie, cette résignation touchante, faisait singulièrement valoir les avantages personnels de Mr. Frank, et il était mieux que jamais ce soir-là dans ce rôle de jolie femme contrariée. Ses beaux yeux bruns erraient çà et là, chargés d'une langueur attendrissante. Ses cheveux étaient lissés à ravir. Ses mains délicates retombaient le long de son fauteuil avec une grâce attristée. On eût dit Apollon relevant de maladie. Jamais, dans aucune circonstance antérieure, il n'avait pratiqué avec plus de bonheur l'art social qu'il cultivait d'habitude, l'art de s'imposer au monde dans le rôle d'un incube bien appris, lequel a droit à la reconnaissance de ses co-créatures quand il leur permet de lui servir de siège. La soirée au surplus ne fut pas autrement réjouissante. Mr. Vanstone et Miss Garth durent se partager le soin de soutenir la conversation qui tombait à chaque instant. Mrs. Vanstone persistait dans ce mutisme accoutumé. Nora demeurait obstinément à l'arrière-plan. Magdalene était plus inerte et moins démonstrative que jamais. De la première à la dernière minute, elle se tint rigoureusement sur ses gardes. Les regards, en bien petit nombre, qu'elle risquait du côté de Frank, arrivaient à lui avec la rapidité de l'éclair et s'éteignaient avant que personne les eût pu surprendre. Même en lui apportant sa tasse de thé, même quand un entraînement irrésistible lui fit saisir cette occasion que les femmes perdent rarement, de se mettre en contact avec l'être aimé, même alors, elle sut abriter sa main derrière la soucoupe. Frank était bien mieux maître de lui-même, mais il ne l'était qu'à la condition de rester à l'état passif. Lorsqu'il se leva pour prendre congé, lorsqu'il sentit sa main prise dans la main brûlante de Magdalene, et sous les doigts frémissants de la jeune fille, la boucle de cheveux qu'elle lui glissait, il se troubla singulièrement. Peut-être se fut-il trahi, et peut-être le secret de Magdalene eût-il été révélé, sans que Mr. Vanstone, qui naïvement couvrit sa retraite en le poursuivant de ses paroles encourageantes, de ses petites tapes amicales. « Dieu vous accompagne et vous bénisse, Frank !» disait cette voix loyale qui jamais ne s'élevait pour blesser personne. « La fortune vous tend la main. Allez, mon garçon, et ne manquez pas à votre destinée. » « Oui, » disait Frank, « je vous rends grâce. » Ce sera peut-être un peu difficile dans le principe, mais vous me l'avez dit, le rôle de l'homme est de vaincre les obstacles, et cela sans en parler jamais. D'un autre côté, je voudrais bien ne pas être si rebelle à l'arithmétique. C'est décourageant, diable, de manquer toujours ces additions. Oh, certainement, comptez-y. Je vous écrirai pour vous tenir au courant de ce qui m'arrive. Bien reconnaissant de toutes vos bontés, et bien fâché de n'avoir pas réussi comme ingénieur. Après tout, cette carrière-là m'allait mieux que le commerce. Qu'y faire à présent ? Merci, merci et adieu. Ce fut ainsi que Frank s'enfonça dans les brumes de son avenir commercial, tout aussi dépourvu de volonté, tout aussi dénué d'initiative, et tout aussi beau fils que jamais.